sur Radio Le 5, consacré à la musique francophone. Et on commence avec ça. Des cultures autour de la langue française et sans appel. Instrument traditionnel français, l'accordéon qui vient à l'instant de nous accompagner dans le blitz des petites nacelles va encore être à l'honneur dans la chanson suivante des Ogres de Barbac qui nous interprète brillamment l'accordéon pour les cons. On adore les voyages, bien qu'on ne voyage pas souvent. Et on adore les gitans, bien qu'on les voie de temps en temps. Moi qui voulais être président, je ne suis même pas étudiant. Et je joue l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument pour les cons. Et je ne suis qu'un prisonnier qui aurait voulu être un homme libre. Aller dans les champs, chanter, glaner les fruits et les fleurs. Courir les filles, faire des jeux d'enfants, ne plus avoir peur. Et je ne joue que l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument pour les cons. Oh oui, le nom de prisonnier me va comme un gant. Mais un gant sale et mal brodé, un peu comme celui d'un gitan. Quant à ce que je pense de la tendresse, je me la fous bien au fond des fesses. Et je joue de l'accordéon, alors que je trouve que c'est un instrument pour les cons. Je ne suis pas l'ami du silence et encore moins celui du bruit.

15 millions d'orphelins dans les bras de la pharma. 15 millions d'enfants africains. 15 millions d'orphelins dans les bras de la pharma. 15 millions, 15 millions. HIV positif en Afrique vient s'ajouter à la crise économique. La jeunesse de tout un continent tuée par manque de médicaments. HIV positif en Afrique, on délaisse, on leur dit qu'il n'y a pas de fric. Qui fera les travaux des champs? Qui s'occupera de leurs enfants? 15 millions d'orphelins dans les bras de la pharma. 15 millions d'enfants africains. 15 millions d'orphelins dans les bras de la pharma. 15 millions, 15 millions. HIV positif en Afrique, milliards pour l'industrie pharmaceutique. Où sont les chic types qui s'engraissent sur ce fric, qui ont breveté la vie des gens et des enfants? HIV positif en Afrique. Qui sont les politiciens qui traînent ces morts sur leurs mains? Ça s'engraisse sur la petite thérapie. On te soignera pas si tu viens d'Éthiopie. Tu fuis ton continent, c'est ta vie qui en dépend. Voir si en Occident on sauve encore les gens. Ça s'engraisse sur la petite thérapie. Tu mis les graisses de ton cocaïne boutique. Tu fais médicaments, pense à tous ces enfants seuls dans leur histoire, privés de leurs parents. Ouais, ça s'engraisse sur la petite thérapie. On te soignera pas si tu viens d'Éthiopie. Tu fuis ton continent, c'est ta vie qui en dépend. Voir si en Occident on sauve encore les gens. Ça s'engraisse sur la thérapie. Fini l'allégresse de Bangkok à Djibouti. File tes médicaments, pense à tous ces enfants. 15 millions. HIV positif en Afrique. On peut pas jouer la vie des gens pour se faire un peu plus d'argent. HIV positif en Afrique. Laissez tout un continent peuplé avec des grands-parents. On ne peut pas jouer la vie des gens. On ne peut pas jouer la vie des gens. 15 millions d'orphelins dans les bras de la pharma. 15 millions d'enfants africains. 15 millions d'orphelins dans les bras de la pharma. 15 millions, 15 millions. 15 millions d'orphelins dans les bras de la pharma. 15 millions d'enfants africains. Vous écoutez deux petits groupes français qui sont malheureusement peu diffusés sur les ondes radiophoniques françaises. Je vous propose donc une triplette, non pas celle de Belleville, mais celle de Radio Lezinc avec la Ruda Salska, Pampos, mais pour commencer, les amoureux de la ville rose, les Malpolis. Que nos souvenirs souvenirs nous attachent à certains lieux. Ok, mais nostalgie à part, explique-moi un peu. Quel mérite et quelle fierté peut-on donc avoir à être né quelque part et non pas autre part? Quand on raconte sans honte qu'on vient d'un pays de cons, ne supportant pas qu'on ne parle pas un peu de chez eux, y'a des gens qui se vexent et nous pointent de l'index, nous disent non, non, c'est chez nous qu'on est les plus cons. Comment peut-on confondre à ce point le trou d'un cul et celui d'un nombril pour chanter comme le font les copains? Ma ville est la plus belle des villes, la plus belle des villes, la plus belle. C'est une cité bigarrée, blanc, jaune et noir sont mélangés, mais on s'est arrangé pour qu'ils se partagent qu'un seul quartier. Ici la démocratie est dans la rue, je te jure, même si ça fait 20 ans qu'à la mairie y'a la même enflure, la même enflure. Que de jolies rues, de petits trottoirs dans ma ville. Chacun sa voiture, sa bagnole, son automobile. Tout le monde plaisante, cool, sympathique. Voyez comme sont mignons les petits commerçants et leurs flics. Quelle chance, quel bonheur d'être né dans cette ville. La culture rayonne sur un bon paquet d'imbéciles. L'économie est florissante grâce aux industries polluantes. Mais comme ça crée du turbin, tout le monde applaudit dès demain. C'est la joie dans ma ville, la joie de vivre tranquille. Ouah, on boit de l'alcool, oh, ils jouent au football. Bah tu parles d'un particularisme régional. Oh les cons, si c'est ça, moi je me jette dans le canal. Comment peut-on confondre à ce point le trou d'un cul et celui d'un nombril pour chanter comme le font les copains? Ma ville est la plus belle des villes. Paraît-il qu'il faudrait retrouver nos racines et savoir d'abord d'où on vient pour savoir qui on est. Ça vaut peut-être le coup pour les Indiens, les exilés. Mais toi fais pas ton malin, je t'ai toujours vu dans le quartier. Une fois vomi ton pastis et pété ton cassoulet, une fois que les légendes celtiques te feront plus planer, une fois que t'auras fini d'applaudir au corrida, quand tu sauras bien d'où tu viens. D'où tu viens. Peut-être qu'enfin, enfin, on pourra se demander où on va. Alors que certains invoquent la liberté d'expression pour que renaisse l'usage du langage de leur région, moi j'en perds mon latin, mais ajoute sans rire, finalement pas toi ou français. La question est, qu'est-ce que t'as de beau à nous dire? Hein? Hein? Hein? Je chante avec l'accent, c'est beaucoup plus sympathique. Non pas que je l'ai vraiment, mais ça plaît tellement au public. Je chante avec l'accent, l'accent des enfants du pays, ces enfants qui pourtant comprennent rien à ce que je dis. Je chante avec l'accent, je suis un chanteur d'ici. Mais ton succès pourtant, tu te l'es fait à Paris. À Paris, la critique est branchée musique ethnique. Même si les flics n'aiment pas trop les voix exotiques. Y'a pas à dire, c'est provinciaux, c'est comme les noirs africains. Ils ont le rythme dans la peau, c'est assez nouveau, j'aime bien. Puis au moins pendant qu'ils s'occupent de leur petit pays, on fait leur des marchands sans leur demander leur avis. Avec l'accent de Marseille, y'a de quoi se faire du flouze. Avec l'accent de Marseille, y'a de quoi se faire du flouze. Avec l'accent de Marseille, y'a de quoi se faire du flouze. Sinon on se fera l'oseille avec celui de Toulouse. Comment peut-on confondre à ce point le trou d'un cul et celui d'un nombril pour chanter comme le font les copains? Ma ville est la plus belle des villes. Protégeons les chauffards qui font fi de l'égalité au nom des gyrophares. Mais alors permettez qu'on vous taille un costard que vous ne porterez jamais de peur qu'il ne vous aille, car vos épaules vous les voyez larges. Vous confondez le rôle et le poids de la charge. Mais un mandat n'est pas fait, candidat du pouvoir pour les effets d'image et pour faire son devoir. On n'allait pas croire. Thank you. citoyen n'est qu'un sacerdoce. Rien ne sert de remuer la queue comme un chien devant un autre. De se renvoyer la babane, renifler les sous-tables. Offrez-le-toi charpentif, un emploi fictif. Et s'il faut bien s'effrayer des taux d'abstention, il fallait bientôt ou tard payer l'addition. Plutôt que de soigner la sémantique, l'addiction. Faites des travaux pratiques, d'éthique et de conviction. Mais tout n'est pas si noir, je sais qu'il en est de bonne foi, pourrait-il de notre part. À ceux qui dorment à l'assemblée, les réveiller dans l'envoi d'un coup de pied quelque part. Je rends grâce aux pompiers qui combattent les flammes. Je rends de choix, non là y'a aucune chance. Val-de-Rhin avec Radio La 5 pour les chansons francophones. Vas-y, vas-y, monte le son, même si dans le camion y'a pas de basse, y'a pas de son, tu sais, on n'est pas près d'y arriver, la route est longue, longue, longue, et puis c'est salsa groove caliente sur la radio, salsa groove caliente, big up Sorrento, mais là c'est la smala qu'elle a sorti tout droit de quoi, quoi, elle résume pas ça, ça, on monte sur scène, pas pour combler les go, frérot, le micro, crois-moi, encore une fois, on lâchera pas, pour réfléchir le boss et à choisir un sangouné, notre mission est passion, demain on remonte dans le camion. Sans chaud, maillot noir et jaune, toujours sur le dos. Michael Gros, on veut du niveau. Jacques Ferro, le Michael. Le Michael, faut ce qu'il faut, même si, si c'est pas hello. Sans chaud, maillot noir et jaune, toujours sur le dos. Michael Gros, on veut du niveau. Jacques Ferro, le Michael. Le Michael, faut ce qu'il faut, même si, si c'est pas hello. Les uns sur les autres, ils zappent de la critique. Les uns avec les autres, c'est ce qu'on réplique. Alors regard méchant, répond mon sourire angélique. À moins qu'il nous baïonne, on restera énergique, vaille que vaille, on plantera notre épouvantail. Le crew mélange ses cultures dans le son, dans l'écriture. T'as pas vu sans gougaille, pour nous aussi c'est la bataille. Dur, dur pour la censure quand nos mots sont pesés, c'est sûr. Sur scène, on assène, on assume sans peine, liant nos convictions et les clamant à l'unisson. En haleine, instruments et voix se complètent sans gêne, des accords au d'accord et sans conflit de génération. On monte sur scène, pas pour combler les gars, frérot. Le micro, crois-moi, encore une fois, on lâchera pas. Pour réfléchir le boss et à choisir un zangonné. Notre mission est passion, demain on remonte dans le camion. Sans chaud, maillot noir et jaune, toujours sur le dos. Le Michael Crow, on veut du niveau. Charles Ferro, le Michael. Le Michael, faut ce qu'il faut, même si, si c'est pas hello. Sans chaud, maillot noir et jaune, toujours sur le dos. Le Michael Crow, on veut du niveau. Charles Ferro, le Michael. Le Michael, faut ce qu'il faut, même si, si c'est pas hello. On s'en man et faut ce qu'il faut. Mais faudrait pas penser pour autant qu'en ces temps troublants où trop souvent on entend des ragots que le possier du Jack. On ne vient pas lever le poing bien haut. Les propos des magots qui font rire. Faut dire que la plupart des possies aujourd'hui aspirent au disque d'or et se la racontent hardcore. D'autres s'envolent pour Zion et font escale à Babylone. On vise par la musique l'évolution sociale. Y'a pas de morale, on se la joue crotale à la langue qui déballe. Des trucs banals à deux balles qu'on jette sur les étals. Mais franchement,

J'ai vu un accordéoniste déferler comme un flot de paroles trop courtes et ce silence qui en dit long, trop long, vraiment long sur la vie. Elle n'a de cesse à cette heure-ci me rappeler à t'expliquer ce petit moment passé avec toi. Désabuse mes vertus les plus sûres, le sommeil, la faim et la famille et tous les amis qui sont là à écouter sans se soucier ce que cela implique. J'ai rien à dire, sans dire n'importe quoi, plus rien à faire qui pourra vous déplaire. J'ai rien à dire, sans dire n'importe quoi, la valse est là, j'avais mon pote, la valse est là, j'avais mon porte. Et cette bouteille de gin qui debout sur la table, ma carte m'inspire la vision d'un moment impalpable. Et le malin commande ma bouche à des douze femmes. Et le malin commande ma bouche à des douze femmes. Et le malin commande ma bouche. Rire, pleurs et chagrins de gens ne seront pas pour nous déplaire. Mais ce soir, vous expliquer l'harmonie avec laquelle on vous sourit. J'ai rien à dire, sans dire n'importe quoi, plus rien à faire qui pourra vous déplaire. J'ai rien à dire, sans dire n'importe quoi. La valse est là, j'avais mon pote, la valse est là, j'avais mon pote. J'ai vu un accordéoniste. Les hurlements de Léo, encore un petit groupe qui respire la bonne humeur. Je ne les ai jamais vus en live, mais je suis sûr que leurs concerts doivent être des moments très festifs. L'artiste qui arrive, j'ai eu par contre la chance de l'avoir une fois en concert au Festival du Thé Vert. Ce fut un moment fort pour moi, un choc dont je ne me remets pas. Personnage atypique, militant, il s'agit de Flo et le morceau qu'elle nous interprète, Shalom. Archish, Rasdoudé, Varomé, Merdin Selim, Imtaunis Melolid, Idem Nisnis Kouar. De lait et de miel, l'autre est poussière et berceau d'univers. Une s'appelle lumière, l'autre porte du désert. Une s'est changé tout le sable en vert, l'autre le foule de son pied berbère. Ils se ressemblent comme des frères, au milieu coule une frontière. Shabbat shalom aleikum, aleikum salam. Shabbat shalom aleikum, aleikum salam. Shabbat shalom aleikum, aleikum aleikum. Shabbat shalom aleikum, salam salam. Cernée et mise au pied du mur, l'autre est armée et couverte de blessures. Une qui prie et qui pleure, l'autre qui plie et qui meurt. Une a les pierres, l'eau et puis les diamants, l'autre est la sœur des pétroliers géants. Plusieurs dieux, une seule prière, au milieu coule une frontière. Shabbat shalom aleikum, salam aleikum. Shabbat shalom aleikum, salam aleikum. Shabbat shalom aleikum, aleikum salam. Shabbat shalom aleikum. Shabbat shalom aleikum. Shabbat shalom aleikum. Shabbat shalom aleikum. Shabbat shalom aleikum. Yalikum selam. Shabbat shalom aleikum. Shabbat shalom aleikum. Après des chansons militantes de trio, de pose et de flow, prenons le temps d'être plus léger grâce aux trois copains de la rue Quétanou que nous retrouverons régulièrement dans Radio Le Zing. Marchez pas droit, c'est jamais de notre faute, c'est le monde qui va de travers. C'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers. Et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière. À maudire le salaud, l'enflure, un tartuffe qui a dû vendre son âme avant de vendre des chaussures, des godasses en peau de banane. Un peu plus tard, on se relève en s'accrochant tant bien que mal à une vieille branche qui nous soulève, nous demande si on s'est pas fait mal. Là, on dit Pierre-Henri, oh, c'est toi ? Lui, il dit Hey, je suis avec vous. On se concentre sur le premier pas. Vieux mot est sûr, quand on est sous, c'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers. Et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière. Mais on résiste, on se rebelle, on fait face à l'attraction terrestre. Nos bras s'accrochent au ciel et nos guiboles s'occupent du reste. Et hop, bras dessus, bras dessous, tac tac, on repart au combat. On n'avance pas vite, mais on est debout. Et ça, c'est des trucs qui s'oublient pas. C'est même des trucs qui pourraient, si vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Ah ça, rien que d'y penser, bah nous, ça nous fait réfléchir. C'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers. Et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière. Mine de rien, on se grille une blonde, on se dit que l'amour, c'est pas si grave. Et on se refait le monde sans que le monde ne s'en aperçoive. Alors on se dit qu'on l'a bien eu, ouais, et que c'est pas lui qui nous aura. Non. Et hop, la fête continue. Et on est là pour fêter ça avec Sisyphus, le chauffeur est dans le pré, Stéphane Calais, Pierre-Henri, les blaireaux de Ravel, la famille Morales, les autres parfaits, Trio, le cirque Charles Guillotin, Alain Lepret, les souliers sont rouges, Almarita, Yannick Delaunay, Sabine Drahi, Sef, Marie Clantoine, Vladimir Ancel, la crevette d'Assiette, la famille Diable, Charclos, debout sur le Jacques, le théâtre du fil, les Arrosés, Chantier Cabaroc, Swing Gaché, Johanna Torres, Jean, Mike, Hélène, François, Pierrot, les Robins, et Charlotte, etc. Oui. C'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde qui va de travers. Et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière. C'est pas nous qui marchons pas droit, c'est le monde hop, qui va de travers. Et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière. C'est pas nous, et on a beau aller devant soi, on se retrouve souvent sur le derrière. C'est pas nous qui marchons pas loin. Et voilà, c'est le monde qui va de travers. Ouais. C'est une légende de Bornéo. qui nous a inspiré cette chanson. Abba ? On raconte que les orangs-outans, les grands singes oranges, sont dotés de la parole comme vous et moi, messieurs, dames, mais qu'ils refusent de parler pour éviter que l'homme les fasse travailler. Eh ben nous c'est pareil, nous on veut pas bosser, alors on va se taire, pour plus se faire exploiter, on va partir au loin, oubliez votre chemin, et toutes vos exigences, nous, on s'en lave les mains, laissez derrière nous, tout ce fric on s'en fout, vos médailles à la con, et vos promesses bidons, car les jeux des gamins nous font bien plus rêver, alors on joue aux singes et on va s'évader dans une petite forêt. Sans banquier, sans prêt, qu'il faudrait rembourser sur une trentaine d'années. Elle était belle la vie du haut de notre arbre, mais il a fallu que vous nous retrouviez pour nous foutre en cage et nous faire payer nos rêves de partage et de communauté. On voulait pas bosser et pas participer au budget de ces bombes qu'on n'avait pas demandé. Mais le jeu du silence était bien cher payé. Aujourd'hui comme tout le monde, on a des chaînes aux pieds. Devant aucun sacrifice pour vous plaire, le meilleur est souvent pour la fin, comme le dit le proverbe. Quoi qu'il en soit, nous finirons, ou presque, avec les têtes raides. Au chambouletou, j'ai visé sur madame, censure. J'en avais ras le pompon, qu'elle découpe mes chansons. Comme tous les coups sont permis, même ceux sous la ceinture. Tout à l'heure, n'hésitons pas, visons les parties bas. Femme et le petit bonhomme s'aimaient bien tous les deux, ils vécurent à deux, se sont dit tous les deux, moins monotone, ce sera de vivre à deux, deux, vivre entre quatre yeux, c'est pas toujours heureux, petit bonhomme, referme les yeux. Comme ça peut, peu importe si un peu, c'est déjà un petit peu. Si ça chantonne, c'est que ça vit un peu, peu, peu. Peut-être que tous les deux, entre nos quatre yeux, Le vent qui sonne nous réveille un peu. C'était dit, plantons nos radis. C'est terminé pour ce soir, rendez-vous la semaine prochaine. Bis à messieurs, bis à mesdames. Moi je suis pas habituée au soleil, je suis pas du pays des merveilles. Il suffit de tendre l'oreille pour entendre le peuple qui gronde comme des ventres affamés dans la ronde. Et qu'on va moins nourrir qu'on les sonde. Moi je suis pas habituée aux pareils, aux alarmes pour tout réveil. Rien ne tombe si je sommeille. J'ai traîné dans les recoins du monde, là où même les cœurs je les fonde, là où l'âme sert plus que la fronde. Si je pouvais siffler la mi-temps, et qu'il y aura assez longtemps la mi-temps. Si je pouvais siffler la mi-temps, c'est plutôt qu'on attend la mi-temps. Si je pouvais siffler la mi-temps, et qu'il y aura assez longtemps la mi-temps. Si je pouvais siffler la mi-temps, c'est plutôt qu'on attend la mi-temps. Mi-temps. Moi je colle mon oreille aux portes et j'entends ce qui se rapporte sur ces victoires que l'on remporte. Et c'est pas qu'on n'a jamais pu faire pour se mettre sous la lumière, là où les autres collent par terre. Moi j'aime bien les gens qui s'emportent, comme le vent souffle les feuilles mortes. On recommence, faut qu'on s'en sorte. J'ai prié tous les démons de la terre, puisque Dieu m'a laissé derrière. Mais j'ai rien trouvé, comment faire ?